إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه. والحزمة ما جمع وربط من كل شيء. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: an yahtatiba. Le verbe ihtataba, c'est prendre al-hatab, c'est ramasser ce qu'on appelle al-hatab. Al-hatab, c'est le feu, excusez-moi, c'est le bois qu'on sert pour faire du feu de cheminée, par exemple. D'accord? C'est ce bois-là. D'accord? Le bois de chauffage. Donc, la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahari. Donc, que un de vous ramasse du bois. Et Hosmatan, comme on a vu à la fin du hadith, j'ai donné la signification de la Hosma, c'est Majima Warubita min kulli shay, c'est tout ce qu'on a rassemblé et qu'on a attaché de toute chose. Donc là, on va dire un fagot de bois. D'accord? Parce que quand on ramasse du bois et qu'on attache, qu'on roupe et qu'on attache, on appelle ça un fagot en français. Donc, si un de vous ramasse du bois et en fait un fagot sur son dos, et là, il faut comprendre, afin qu'il aille au marché pour le vendre, d'accord? Khayrun min an yas'ala ahada est meilleur à ce qu'il questionne, ou qu'il demande plutôt, on va dire, c'est qu'il demande à une personne. Et là, il faut comprendre quoi? Qu'il demande l'aumône. Donc, il demande l'aumône à une personne. Fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Et que cette personne à qui il a demandé lui donne cette aumône ou lui refuse. D'accord? Le simple fait de demander l'aumône, c'est beaucoup moins bien que de essayer de chercher son risque par un travail de soi-même. Même si la personne refuse de donner l'aumône, et le problème est que la personne a demandé qu'on lui donne ou qu'on lui refuse. Ce hadith est muttafaqun alayhi, c'est-à-dire qu'il est rapporté par les deux imams al-Bukhari et al-Muslim dans leurs deux sahih. Et maintenant, inshallah, nous allons prendre le cours de fiqh, inshallah. Alhamdulillah. Donc nous allons finir le chapitre du jeûne, As-Sawm ou As-Siyam, on peut dire As-Sawm ou As-Siyam. Toujours dans le livre qui s'appelle Murtasaru Abi Shuja' de l'imam Abu Shuja' Rahimahullah dans le fiqh Shafi'i, où il a dit Faslun, un chapitre. Ce chapitre c'est dans Fili Artikaf. Al-Artikaf, comment dirais-je, normalement vous devez, je pense savoir ce que c'est normalement, hein. C'est le fait de rester dans la mosquée pour Allah Azzawajal, d'accord? Et il y a des conditions, comment dirais-je, et il y a des divergences sur les quelles mosquées et les conditions qu'il faut avoir. Donc là on va voir ce que l'imam Abu Shuja rahimahullah nous dit. Et il dit wa l'i'tikaf sunnatun mustahabba. L'i'tikaf, c'est une sunna mustahabba, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est mustahabba, qui est bonne à faire, d'accord, qui est bien, mais qui n'est pas obligatoire. Et là, je vais dire la parole de Al-Razi, rahimahullah, qui a fait l'explication de ce petit livre. Et il a dit ici: fi kulli waqt wa huwa fil 'ashr al-awakhir min Ramadan afdal minhu fi ghayrihi. Et donc l'i'tikaf se fait à n'importe quel moment, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment de l'année, on peut faire un i'tikaf, d'accord? Et comme il dit ici, le Razi, et les derniers du Ramadan, donc les 10 derniers jours du mois de Ramadan, c'est le meilleur qu'on peut faire c'est-à-dire dans l'i'tikaf. Donc le meilleur moment dans l'année pour faire l'i'tikaf, ce sont les 10 dernières nuits, les 10 derniers jours, pardon, pas que nuit, mais jour et journée, nuit et journée, les 10 donc derniers jours du mois de Ramadan, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait notamment à cette époque-là spécifiquement, mais rien n'a empêché de le faire dans d'autres un autre moment de l'année. Donc l'imam Abu Shuja rahimahullah dit wa lahu shartan, et il a deux conditions de validité. Il faut comprendre deux conditions de validité. Première condition, an-niyya, l'intention. C'est-à-dire que quand on va dans la mosquée et qu'on reste, c'est l'intention de faire ce qu'on appelle i'tikaf. Donc, le fait de rester et de s'interdire de sortir de la mosquée pour Allah Azzawajal. Et c'est ça, c'est l'i'tikaf. Deuxième condition, wal-lubthu fil masjid, et le fait de rester dans la mosquée, c'est-à-dire que celui qui a l'intention mais qui fait que traverser, ça ne marche pas. Il faut qu'il reste, d'accord, à un moment donné. Et là, il y a divergence sur les moments, combien de temps il faut pour faire, combien ça dure, un minimum d'un i'tikaf. Ensuite, l'imam Abu Shura, rahimahullah, a dit: ولا يخرج من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان. Et il ne sort pas, donc celui qui fait un i'tikaf ne sort pas donc de la mosquée, surtout si c'est un i'tikaf al-manzour. Alors, un i'tikaf al-manzour, c'est-à-dire que c'est sous un nazr, c'est un vœu pieux. Et quand on fait un vœu pieux, donc ça devient obligatoire. Donc là, l'i'tikaf devient obligatoire si personne fait un vœu pieux. Par exemple, quelqu'un qui dit pour Allah sur moi, donc c'est obligatoire sur moi, que je fasse un i'tikaf, par exemple, d'une journée entière, donc de 24 heures, dans la mosquée. D'accord? Soit il fait ce plus vieux par rapport à une chose que Allah Azzawajal va lui donner, comme par exemple la guérison de quelque chose ou autre. On en reparlera notamment du naz, on va l'étudier dans le fiqh. Et ça, c'est déconseillé, c'est makruh de faire ce genre de naz, quand on lit surtout à ce que Allah Azzawajal peut donner. D'accord? Mais s'il fait ça, donc ça devient obligatoire. Donc il n'a pas le droit de sortir de l'artikaf. D'accord? Illa li hajati l'insan, sauf pour le besoin de l'homme. C'est-à-dire que si les WC, il doit sortir pour aller au WC, ben, il y va. Ou des choses dont il a besoin, il ne peut pas se passer. Par exemple, s'il n'a pas de nourriture et ben, qu'il est obligé de manger, il va juste sortir de quoi prendre de la nourriture et revenir de suite. D'accord? Mais il n'a pas le droit de visiter la famille ou autre, ou même un malade. Ou même un malade. Donc, ce qui veut dire que s'il va chercher la nourriture, il ne va pas en profiter, même si c'est le passage d'aller visiter un ami ou la famille ou un malade qui est sur la route. Il va juste prendre ce dont quoi il a besoin et rien d'autre. Ou udhrin min haydin ou marad, ou une excuse, comme il va le dire, de hayd, de hayd, donc c'est les menstrues. Ça, c'est surtout pour ceux qui disent que c'est interdit à une femme qui a l'haïd, les menstrues, de rester dans une mosquée. D'accord? Il y a divergence sur ceci. Certains disent non, ce n'est pas interdit, c'est pas haram à une femme de rester dans une mosquée, même si elle a ses règles. Elle ne prie pas, et bien sûr, elle fait attention que le sang ne tombe pas par terre, parce que le sang, ça, il y a ijmar sur le sang du haïd, c'est najis. Par contre, sur le sang de l'autre sang de tout être humain, homme ou femme, qui coule dans les veines, ça, ce n'est pas najis, c'est la parole la plus juste, mais il y a divergence. Hein. Ça, on l'avait déjà vu dans le chapitre de la tahara, de la purification. Ou une maladie où il n'est pas possible de demeurer avec elle. C'est-à-dire qu'une maladie vient alors qu'il est dans l'i'tikaf, il ne peut pas rester dans la mosquée avec cette maladie-là. Donc il est obligé de sortir, par exemple pour aller voir un médecin ou pour aller à l'hôpital ou autre. Et l'i'tikaf est annulé par quoi? Par al-wat'a. Al-wat'a, donc c'est l'acte sexuel. Quelqu'un qui fait un acte sexuel, comment dirais-je, son i'tikaf est annulé. On a fini ici, alhamdoulilah, le chapitre du jeûne, du siyam. Et maintenant, on va prendre le chapitre du hajj. Donc l'imam Abu Shuja'a a dit Kitabul Hajj, livre du hajj. Il faut comprendre le chapitre, d'accord? Alors, le hajj lughatan, ça veut dire quoi linguistiquement? D'accord? Autre que le hajj qu'on connaît, c'est un sens linguistique avant. Al-hajj bimana al-qasd. Le hajj, ça veut dire al-qasd, le fait de viser quelque chose, d'accord? De vouloir quelque chose, de viser al-qasd. Shar'an est dans la législation, donc dans la législation d'Allah Azul, c'est quoi? C'est qasdul bayt al-haram lin-nusuk, c'est le fait de viser, d'accord? Quoi? Al-Bayt al-Haram, donc la maison sacrée, donc il y a la Mecque, vous connaissez, c'est la Kaaba. L'In-Nusuk, pour les Al-Nusuk, c'est pour, c'est-à-dire les actes, comment on va dire en français, Les actes d'adoration, tels que, comme on va voir, que vous connaissez, hein, aller à Arafat, faire le tawaf autour de la Kaaba, et de marcher entre Safa et Marwa, et ainsi que d'autres nousouk. Ensuite, l'imam Abu Shuja, a dit, wa shara'it al-hajj sab'atu ashya. Et les conditions de l'obligation du Hajj sont sept choses. Donc il faut que ces sept choses soient réunies pour que le Hajj soit obligatoire. Sinon, le Hajj n'est pas obligatoire sur la personne. D'accord? Il faut qu'un individu, homme ou femme, ait ces sept choses qu'on va citer, et là, le Hajj devient obligatoire. Sinon, il n'est pas obligatoire. Je vais citer une chose qu'apparemment l'imam Abu Shuja rahimahullah n'a pas dit, c'est est-ce que le. Je regarde dans les autres. Oui, il me semble, c'est ce qui me semblait. C'est est-ce que le Hajj, il est obligatoire, ce qu'on appelle notamment en arabe al-Fard, ou al-Tarahi? Hal al-Hajj wajibun al-Fard, ou al-Tarahi? Est-ce que le Hajj, il est obligatoire au plus vite, ou al-Tarahi, c'est-à-dire est-ce qu'on a le temps? Je m'explique. Une personne qui a toutes les conditions, qui a les sept conditions qu'on va citer, Inch'Allah. D'accord? Qui a ces sept conditions. Une fois qu'il a ces sept conditions, au moment où il y a les sept conditions, est-ce que c'est obligatoire à l'instant même, donc au premier Hajj qui arrive, parce que c'est une seule fois dans l'année, d'accord, le Hajj, de le faire obligatoirement, ou il a le choix de retarder sans faire de péché après 2 années, 3 années ou 4 années, bien non, moi je vais le faire dans 5 ans, je vais le retarder. D'accord? Il y a divergence, sachez-le, il y a divergence entre dans les écoles, dans les 4 écoles notamment. Dans le mazhab al-Shafi'i, al-Hajj wajibun ala al-Tarahi. Dans le mazhab al-Shafi'i, sur le mazhab qu'on étudie en ce moment, et si on finit, Inch'Allah, on tuera le fuir dans un autre mazhab, parce qu'on n'est pas des moutards assez bons, Inch'Allah. Donc, dans le mazhab al-Shafi'i, le Hajj, il est obligatoire ala al-Tarahi, c'est-à-dire que la personne a le temps. C'est-à-dire que si jamais une personne a les sept conditions et qui dit non, moi je vais faire le Hajj dans 3 ans, ou plus tard, mais pas maintenant, j'ai envie de faire autre chose. Il n'a pas de péché dans le mazhab al-Shafi'i. D'accord? Il n'a pas de péché. Dans les trois autres écoles, donc dans le mazhab al-Hanafi, ou al-Maliki, ou al-Hanbali, c'est à al-Fur, c'est directement, d'accord? À l'instant même. C'est-à-dire qu'une fois que la personne a ses sept conditions, eh bien c'est obligatoire sur lui de le faire le Hajj dès qu'il est au prochain Hajj qui arrive. S'il ne le fait pas, s'il le retarde, eh bien, il est en état de péché. Je reviens au madame Shafiri. Ceux qui vont prendre l'avis du madame Shafiri, il faut bien qu'ils comprennent une chose. Si jamais il meurt, et on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, 4 ans, si jamais il meurt, ils disent, ouais, j'ai mis les sept conditions, mais je vais retarder, je vais le faire dans plusieurs années. 3 ans se passent. D'accord? Il avait l'intention d'en faire dans plusieurs années. D'accord? Il a dit plus tard. Il y a eu 3 ans qui se passent où il a eu pendant ces 3 ans les conditions qui étaient réunies. Et il meurt. Eh bien, il meurt sur un péché. Parce qu'il a retardé et jusqu'à ce qu'il meure et qu'il ne l'a pas fait. D'accord? Donc, même ceux qui comprennent ce que c'est qui prennent l'avis du madame Shafi'i, il faut qu'ils fassent attention parce qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont mourir. On peut mourir du jour au lendemain, comme vous le savez. Et donc, ils peuvent mourir, et ils vont mourir sur un état de péché, voilà, yadu billah. À savoir que dans le madhhab al-Shafi'i, il est recommandé, c'est pas obligatoire, mais il est recommandé de le faire au plus tôt. D'accord? Par contre, comme je vous l'ai dit, dans les trois autres écoles, c'est obligatoire de le faire au plus tôt. Et l'avis le plus juste, Inch'Allah, c'est l'avis des trois autres écoles, de la majorité ici, de le faire au plus tôt. Par rapport aux preuves, parce que Allah l'a ordonné, et il n'a pas ordonné, il n'a pas mis de prononciation comme quoi qui implique le fait de retarder, le mazhab al-Shafi'i, il se base sur le fait que le prophète n'a pas fait l'année là où le verset est descendu. Les autres répondent, oui, mais là où l'année où le Hajj, l'obligation du Hajj est descendue, le prophète ne pouvait pas le faire parce qu'il y avait des statues encore, il y avait encore des mouchrikoun qui faisaient le Hajj nu, etc. Donc il l'a fait après. Il a retardé par rapport à cette cause. Ceci est, comme je viens de vous le dire, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, c'est obligatoire de le faire au moins une fois dans sa vie, d'accord? Donc il devient aussi il devient logique que donc, ça serait obligatoire au plus proche, comment dirais-je, le plus vite possible de le faire quand on a les sept conditions. Wallahu a'lam. Maintenant, on continue et on va citer les sept conditions. Alors, l'imam Abu Shuja a dit al-awwal, la première condition, al-islam, c'est l'islam. Donc, al-kufr, quelqu'un qui tire sur le kufr, donc un kafir, un mécréant, n'est pas obligatoire sur lui de faire le hajj sur terre. D'accord? Comme je l'ai dit, il y a des divergences par rapport au jugement de l'au-delà. Est-ce que les mécréants seront pris par les obligations, les interdits sur terre? Ça, c'est leur problème à eux, et qu'Allah ne fasse qu'on ne meure pas sur la mécréance, mais qu'on meure sur l'islam. Ça, c'est le problème qu'ils vont avoir le jour de la résurrection, et notamment en enfer. D'accord? Mais concrètement, sur terre, par exemple, un gouverneur musulman, d'accord? Il ne peut pas rendre obligatoire, astreindre les mécréants à faire le hajj. D'ailleurs, ils ne pourront pas parce qu'il faut être musulman pour aller à la Mecque. Comme vous pouvez le savoir, les mécréants ne peuvent pas rentrer à la Mecque. Mais imaginons que un gouverneur veuille le faire, et ben les fuqaha, donc les savants du fiqh, lui diront ben non, tu ne peux pas parce que ce n'est pas, tu n'as pas cette possibilité d'astreindre les gens, les mécréants, à aller faire le hajj. Comme pour la zakat, comme pour le jeûne du mois de Ramadan, d'accord, et comme pour la prière. Les mécréants, on ne leur demande pas à faire ces choses-là, ces actes-là, d'adoration, contrairement aux musulmans. Deuxième condition, Walbulour. Al-Bulour, c'est la puberté. Et la puberté en islam, c'est aussi la majorité. Et je dis plusieurs fois, à partir de quand, quels sont les signes de la puberté. D'accord? Le maximum, c'est, je dis bien le maximum parce que ça peut venir avant, le maximum c'est 15 ans lunaire. Mais ça peut venir avant, je l'ai déjà dit, les signes où on sait que la personne est pubère, et donc majeure en islam, et donc est responsable de ses actes et paroles. Troisième condition, voilà, l'aql, la raison. Quelqu'un qui est majnoun, par exemple, qui est fou, qui n'a pas sa raison, eh bien, le hajj n'est pas obligatoire sur lui. Donc, comme la condition qui est juste avant, donc la puberté, quelqu'un qui n'est pas pubère, qui est encore trop jeune, donc il n'a pas encore la puberté, eh bien, le hajj n'est pas obligatoire. D'accord? Là, on est dans les conditions de l'obligation. D'accord? Donc, ce n'est pas obligatoire pour lui de le faire, le hajj. Est-ce qu'un jeune peut faire le hajj? Oui. Et est-ce qu'il sera récompensé? Oui. Il aura là un hajj. Et même si c'est un tout petit enfant, parce qu'il y a un hadith où une femme a dit au prophète, est-ce que celui-ci, en prenant un tout petit enfant, est-ce qu'il a un hajj? Il a oui, voilà, et toi tu as une récompense. D'accord? Alors comment font donc les parents qui vont avec des enfants, notamment qui sont en dessous du boulour, mais qui sont en dessous de ce qu'on appelle être tamise? On a déjà vu ce que c'est le tamise. Généralement, tamise, c'est aux environs de, on va dire, 7 ans. Tamise, c'est là où la personne, l'enfant, distingue entre le bien et le mal, et ce qui est, par exemple, il comprend, il saisit le fait que par exemple, une prière, on fait la prière, elle est annulée si jamais on parle, et les ablutions, elles sont coupées si jamais on va au WC, etc. D'accord? Quelqu'un qui a le tamise, qui à cet âge-là, il fait les actes du hajj lui seul. Donc il met l'intention, il fait tout, parce qu'il a le tamise, il a la distinction. Quelqu'un, un enfant qui est en dessous du tamise, qui ne fait pas la distinction des choses, c'est donc le parent ou celui qui est responsable de lui, quand il va faire le hajj avec lui, qui va faire l'intention, qui va faire les actes, en fin de compte, pour lui, ou qui va l'accompagner dans les actes. D'accord? Voilà. Voilà. Quatrième condition, al-hurriya, la liberté. C'est pas la liberté d'expression. Hein. C'est la liberté, comme on a déjà dit plusieurs fois, c'est-à-dire que l'homme ne soit pas esclave. D'accord? Il faut que l'homme soit libre. Ce qui veut dire ici, et à ce que je sache, enfin, je connais pas de divergence sur ceci, Wallahu ta'ala a'lam, un esclave ce n'est pas obligatoire sur lui à ce qu'il fasse le hajj. Ce n'est pas obligatoire. Donc si toute sa vie, même un esclave par exemple qui habite à la Mecque et que son maître lui dit si tu veux fais le hajj, et que lui dit non, eh bien il n'y a pas de problème parce que ce n'est pas obligatoire sur lui. Ce n'est pas obligatoire sur lui. D'accord? C'est comme ça. Si l'esclave al-abd ou al-ama, la femme esclave, toute indication, un homme esclave on dit abd, et une femme esclave on dit ama. D'accord? Amatun. Ama. D'ailleurs, amatullah, la femme esclave d'Allah. D'accord? Donc, mais l'esclave, s'il fait le hajj, il est récompensé. Et sachez une chose, c'est que si jamais un jour il est affranchi, et bien au moment où il est affranchi, le hajj, ce qu'on appelle hajj l'islam, l'âge, le hajj de l'islam, donc le cinquième pilier, et bien à ce moment-là, ça devient obligatoire. Donc, même s'il a fait 10 hajj pendant qu'il était esclave et que il est récompensé pour ses 10 hajj, et bien quand il a franchi, il faut qu'il fasse le hajj de l'islam, le hajj obligatoire. D'accord? Et c'est pareil pour les enfants, hein. Les enfants, tant qu'ils n'ont pas le boulour, tant qu'ils n'ont pas atteint la puberté, donc la majorité, qui est la puberté, ils peuvent faire 10 hajj quand ils sont enfants, ils sont récompensés. Mais quand ils deviennent pubères, eh bien là, le hajj devient obligatoire. Il faut donc qu'ils fassent le hajj obligatoire, donc ce qu'on appelle hajjatul islam, le hajj de l'islam. Cinquième condition de l'obligation du hajj, donc pour que le hajj soit wajib, et la présence, la zad, donc c'est-à-dire la provision, et la monture. C'est-à-dire que si une personne qui habite, si elle habite à la Mecque, n'a pas, normalement, il n'y a pas ce problème-là, mais quelqu'un qui habite en dehors de la Mecque, s'il n'a pas de quoi s'approvisionner pour l'aller et le retour, et pareil pour la monture, d'accord? Et on rajoute à ceci le fait de subvenir à ceux dont il est responsable pendant son voyage du Hajj, d'accord? Donc s'il a des enfants, une femme qui laisse sa femme et ses enfants, ou ses femmes et ses enfants, parce que vous savez, c'est tout à fait obligatoire, pas obligatoire, mais autorisé d'avoir jusqu'à 4 femmes. Et donc, il faut aussi qu'il ait de quoi subvenir à ceux dont il est responsable. Et s'il a des esclaves, par exemple, personne qui a, on va dire, qui a 2 femmes et on va dire, 12 enfants. Et 3 esclaves, eh bien il faut qu'il ait de quoi pour lui se nourrir pendant l'aller et le retour, ainsi que la monture, et que pendant ce voyage, il laisse de quoi subvenir aux besoins de ses femmes, de ses enfants et de ses esclaves. S'il n'a pas ça, eh bien ce n'est pas obligatoire. Sixième condition, wa tahriyatut tariq. Et tahriyatul tariq, tahriya, c'est-à-dire que linguistiquement, ça veut dire que la route soit libre, soit vide, vide, d'accord? Ça veut dire quoi, vide? C'est amnut tariq, c'est-à-dire que la route, bon, pour aller au Hajj, elle soit sûre, il y a un amn, d'accord? Alors, si jamais il y a une guerre ou autre, il y a de grandes possibilités de se faire tuer, ou il y a des bandits, en ce moment, il y a des bandits de grand chemin qui n'arrêtent pas comment dirais-je, d'arrêter les gens, même les hujjages, et de les tuer, de leur prendre leur argent, là, ça ne devient pas obligatoire pour lui, d'accord? Tant que la route pour aller au Hajj n'est pas sûre. Troisième condition, wa imkanul masir, la possibilité donc de parcourir. Il n'y a pas de zaman où joue des zad wa rahila, ma yumkul fi el seir, wa huwa rukn arkan. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Le fait qu'il ait la possibilité, el masir, on va dire, de se déplacer, c'est-à-dire qu'il reste le temps. Excusez-moi. C'est-à-dire qu'il reste par rapport au temps une possibilité de nourriture et de la monture dans ce quoi il est possible dans celui-là, elle m'assure d'y parvenir. C'est-à-dire que si jamais une personne. Il faut avoir donc le temps. Maintenant, avec l'avion, ça va très vite, mais avant, ça pouvait prendre 1 ou 2 mois pour aller faire le hajj, d'accord? Donc il faut le temps. C'est-à-dire qu'il sait que si jamais il y va et que il faut environ, on va dire, 1 mois pour faire le hajj, mais que s'il y va maintenant et que lui qu'il reste que 2 semaines avant le hajj, eh bien il n'a pas le temps, donc il n'a pas à le faire. Il faut qu'il sache que le voyage qui va l'amener à la Mecque, il a assez de temps pour y parvenir, d'accord? À notre époque, maintenant, comme je le dis avec l'avion, en 1 ou 2 journées, on y est, hein. Il n'y a pas trop de problème pour ça, normalement. Alors, le hajj, c'est quoi? C'est bien sûr, c'est rukn min arkan l'islam al-khamsa. Le hajj, c'est un pilier parmi les 5 piliers de l'islam. Wayajibu fi l'umri maratan wahida. Et comme vous devez le savoir, il est obligatoire de le faire dans sa vie une seule fois. C'est-à-dire que c'est une seule fois obligatoire, d'accord? Après, on peut en faire autant qu'on veut, même chaque année de sa vie, il n'y a pas de problème, mais il n'y a qu'un seul qui est obligatoire avec les sept conditions qu'on a citées. Je vous ai une petite annotation pour voir. Oui, je voulais bah, l'annotation. Donc, j'ai marqué comme quoi c'était à la Tarakh, il y a le Shafiri, ou à Thawri, ou à Zahri, ou à le Faour, il y a le Jumhour. Ça, je l'ai cité, c'est bon. Il est moins 5. Et ben, j'ai fini les conditions. On est rentré dans le Hajj, alhamdoulilah. Demain, Inch'Allah, on verra Arkan ou le Hajj al-Arba'a, les 4 pliés du Hajj. On les verra demain, Inch'Allah. D'accord, par rapport au Mazhab al-Shafiri, car là où il y a des divergences, hein, on va pas faire toutes les divergences ici. Contrairement à ce que je faisais dans le livre du Tahara et de la purification et de la prière, là pour aller plus vite, pour essayer de finir ce livre, on va rester Inch'Allah sur le. J'ai cité seulement des fois que quelques divergences, mais pas toutes, et pas trop de aussi, malheureusement, entre guillemets, de Dalil, pour pouvoir avancer dans ce livre et si possible, Inch'Allah, le finir. Donc si vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir, je vous laisse l'écriture. Comme ça, on soit braquette. Alors, hier. D'accord, on me pose une question. En fin de compte, je l'ai fait hier, mais c'est peut-être parce que la phrase était très simple que, en fin de compte, on pensait qu'il y avait autre chose après, mais non. Je vais revenir avec la dernière phrase de l'imam Abu Shuja, rahimahullah, qu'on a vue hier, qui est celle-ci. Il me semble que j'ai dit. Wal-maridu wal-musafiru, et le malade, ainsi que le voyageur, et là on comprend le malade d'une maladie donc qui peut, comment dire, qui lui empêche de faire le jeûne. Wal-musafiru, safaran tawilan, et le voyageur qui fait un grand voyage, c'est-à-dire que le voyage qui lui permet de, comme je l'ai dit, de raccourcir les prières, de les réunir. Qu'est-ce qu'ils font? Yuftiran wa yaqdiyan. Ils ont la possibilité de faire quoi? Yuftiran, de rompre le jeûne, donc ne pas jeûner. Wa yaqdiyan, mais ils récupèrent les jeûnes qui n'auront pas, les jours qui n'auront pas jeûné du mois de Ramadan. Voilà. C'est seulement cette phrase-là. Et voilà. Quand on est en voyage, le jeûne n'est plus obligatoire. On peut soit jeûner ou soit jeûner, ou soit, comment dirais-je, ne pas jeûner. Avec une divergence, c'est quoi le mieux? Est-ce que le mieux c'est de jeûner ou de pas jeûner? Je prends pas l'avis des Zahiriyya qui est très faible. Je ne la cite pas. Je cite les deux avis qui se tiennent. C'est qu'il y en a qui disent que c'est préférable de jeûner quand on est en voyage, d'autres qui disent non, le mieux c'est de pas jeûner. Et il y a un autre avis qui est le plus juste, Inch'Allah, et on réunit. En réunissant tous les dalils, tous les hadiths du prophète qui parlent de ce sujet-là, c'est quoi le mieux? Eh bien, le mieux, c'est suivant la personne. Si la personne, ça ne va pas trop le fatiguer et l'atténuer dans son voyage, le mieux, c'est qu'il le fasse le jeûne. Et si jamais ça lui est difficile et pénible sur lui et donc pour son physique, eh bien, le mieux, c'est qu'il. C'est qu'il, comment dire, il ne fasse pas le jeûne pendant ces journées-là. Notamment, par exemple, comme c'est arrivé où le prophète, quand il avait fait le djihad, une fois, il avait interdit à ce que ses sahabas jeûnent alors qu'ils allaient donc s'apprêter à combattre afin d'avoir de la force physique. Ils étaient en voyage. D'accord? Donc là aussi, par exemple, si quelqu'un qui sort par rapport au djihad et qui est pendant un jeûne obligatoire comme le jeûne Ramadan, si son chef. Son émir, il lui ordonne à sa troupe de ne pas jeûner demain, alors que c'est le mois de Ramadan, d'accord? Ils sont en voyage, ils sont voyageurs. Je vous interdis de jeûner demain afin que vous ayez des forces. Il n'a pas le droit de désobéir à l'émir. Pourquoi? Parce que le jeûne, En voyageur, en voyage, il n'est pas obligatoire, il est mustahab, et là, l'émir a le droit d'interdire, si il voit que le bienfait est dans l'interdiction, de faire une chose qui est sunnah, donc qui n'est pas obligatoire. Il y a aussi une autre chose, notamment Al-Albani a fait une petite rissala sur ceci, c'est à partir de quand le voyageur peut-il jeûner? Là, il y a divergence. D'accord? Est-ce que par exemple, certains savants disent que par exemple, une personne aujourd'hui, disons qu'on est à la prière de Zohr, d'accord? On est pendant le mois de Ramadan, la journée, il fait jour, on est à l'heure de Zohr. Une personne qui est résident et qui va voyager après la prière de Zohr et qui sort en voyage. Donc il est parti. Il est parti de la ville, il est voyageur. Et il va attraper la prière de l'Aras et il est en voyage. Certains savants disent, étant donné qu'il a commencé un jour de jeûne obligatoire, il ne peut pas l'arrêter. Même si à un moment donné, dans la journée, il va se retrouver en voyage. D'accord? Certains disent, si, étant donné que quand il va dépasser la ville, donc au moment où il va devenir voyageur, bon là, il peut arrêter. Et Al-Albani vient avec un hadith qui a déclaré qu'il était authentique. Et il n'y a pas que lui d'ailleurs qui a déclaré que ce hadith était authentique. Ou la sunna, c'est même pas ça, c'est que la personne qui monte sur sa monture, donc il est préparé, il est déjà sur sa monture, donc, ou dans son véhicule à notre époque, on va dire, eh bien, il peut à ce moment-là rompre le jeûne, alors qu'il n'est même pas sorti de la ville, donc il est, en fin de compte, il n'est pas encore voyageur, mais il a l'intention, et il a, en fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déjà mis un pied, comme on va dire, à l'étrier, donc il a fait déjà un acte du voyageur, c'est d'être dans sa monture. Sur sa monture, d'accord? Et bien là, il peut jeûner, il peut rompre le jeûne même à cet instant-là par rapport à ce hadith. Alors, on me demande de répéter les sept conditions pour que le hajj soit obligatoire sur l'être humain, homme ou femme. Car le hajj est obligatoire sur l'homme et la femme. Mais il faut sept conditions. La première condition, comme l'imam Abu Shouja l'a dit, l'islam. Donc, il faut que la personne, l'homme ou la femme, soit musulmane, d'accord? Par souci de pas être long, je vais toujours dire l'homme, y compris la femme, comme c'est dans le Coran, comme vous devez le savoir ça. Quand Allah Azzawajal interpelle et qu'il interpelle avec au masculin, d'accord, avec un verbe masculin, ça englobe l'homme et la femme à la base. Hein. Donc la première condition, à l'islam, d'accord, donc à le kufr, fait que une personne qui est sur le kufr, donc qui est kafir, eh bien, le hajj n'est pas obligatoire. Deuxième condition, al-bulugh, donc la puberté. D'accord? La puberté en islam, c'est la majorité. Troisième condition, wal-aql. Si certains ne savent pas les signes de la puberté, qu'ils le disent. Je me ferai un devoir et un plaisir de les répéter. C'est très important pour le musulman et la musulmane de savoir à partir de quel âge on est pubère, c'est-à-dire à partir de quel âge on est majeur dans l'islam, donc à partir de quel âge on est responsable de ses actes et de ses paroles. D'accord? Il y a beaucoup de choses qui viennent. À partir de quel âge, par exemple, qu'on avait vu pour la prière, celui qui laisse la prière, ah ben à partir de la puberté, s'il ne fait pas sa prière, il est soit enfermé et il se fait frapper dans le madhhab Hanafi jusqu'à ce qu'il fasse la prière ou reste comme ça toute sa vie. Et dans les trois autres écoles, s'il ne fait pas sa prière, eh bien, on lui coupe la tête avec une épée qui est bien sûr bien affûtée. Et comme on a vu, dans Madhab Maliki Shafiri, à la base, ils disent qu'on le tue, mais il reste toujours musulman, donc on plaît sur lui, etc. Comme pour ceux qu'on tue, qui a fait zina. Et dans Madhab Hanbali, on le tue, mais il est murtad apostat. D'accord? Donc, savoir à partir de quand on est pubère, c'est très important. On est responsable devant Allah Azzawajal avant tout, et ensuite devant un qadi shari, devant un juge légiféré, qui juge par la sharia, c'est-à-dire sur cette terre. D'accord? Troisième condition, wal-aql, la raison. Donc celui qui est fou, par exemple, c'est pas obligatoire sur lui de faire le hajj. Quatrième condition, wal-hurriya, el-hurriya, la liberté. Comme je l'ai dit, la liberté, c'est pas la liberté qu'on entend dans cette démocratie qui est une pure et une simple mécréance et une grande hypocrisie. Cette hypocrisie, on aura le temps d'en reparler, Inch'Allah. Al-Hurriya ici, ça veut dire que l'homme soit libre et non pas un esclave. Ça veut dire que l'homme ou la femme esclave n'ont pas de hajj obligatoire à faire. Si leur maître leur autorise à faire le hajj, ils font le hajj Et Sahih est bon et valide, ils sont récompensés, mais ils n'ont pas fait le hajj obligatoire. C'est que, comme je me répète, pour ceux, si un esclave ou une esclave a fait le hajj durant son esclavage, il est récompensé, pas de problème. Mais quand s'il doit se faire affranchir, donc s'il devient libre, eh bien à ce moment-là, même s'il a fait un hajj ou plusieurs hajj avant, eh bien s'il devient libre, eh bien là, il faut qu'il fasse le hajj obligatoire. Cinquième condition, wujud zadi wa rahila, le fait qu'il y ait les provisions et la monture, d'accord, pour lui. Et comme je vous le dis aussi, pour ceux aussi pour lesquels, pas la monture, mais la provision, pour ceux pour lesquels il est responsable. Par exemple, si, comme je dis, les hommes, par exemple, quelqu'un qui a par exemple, deux femmes et neuf enfants et trois esclaves, eh bien, il doit, pendant son voyage, laisser de quoi subvenir à ses femmes, ses enfants et ses esclaves. Sixième condition, donc que la route soit vide, c'est-à-dire qu'elle amène la sûreté, c'est-à-dire qu'il faut que la voie, la route pour aller au Hajj soit sûre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de guerre où la personne va se faire tuer ou des bandits de grand chemin qui n'arrêtent pas en ce moment, par exemple, sur la route, il y a des bandits de grand chemin qui n'arrêtent pas d'étrousser et de tuer notamment les voyageurs, etc. Il faut que la voie soit libre, soit sûre. Septième condition, Wimkan ou Massive, c'est que la possibilité de circuler. C'est-à-dire que si jamais il habite loin, par exemple, comme c'était le cas avant, ils allaient à d'autres caravanes, etc. Ça prenait beaucoup de temps, ça pouvait prendre un mois ou plus, ou deux mois. Et donc, si jamais il sait qu'entre lui, il habite, et puis le Hajj, il faut environ un mois, puis qu'il y va deux semaines avant, eh bien non, ça ne marche pas. Ce n'est pas obligatoire. Voilà, j'ai répété les sept conditions. Maintenant, Inch'Allah, on va rentrer dans le cours du Tawahid. Alhamdulillah. Et, Alhamdulillah, on est toujours dans la risale du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, qui s'intitule Nawaqid al-Islam, les annulatifs de l'islam. Et on était aussi dans des conditions, mais là, c'est les conditions du takfir. Shurut al-takfir, les conditions du takfir. Et leur contraire qui sont ni plus ni moins mawani ou takfir, les interdictions du takfir. Car le takfir, comme on avait vu, on avait cité pour. C'était la parole de Tajuddin al-Subki, qui est décédé en 771 de la Hijra. Tajuddin al-Subki, qui était Qadi al-Quda fi Dimashq, qui était le juge des juges à Damas. C'est quoi le juge des juges? C'est-à-dire que c'est le juge qui a la plus haute responsabilité dans les tribunaux, notamment à Damas. Alors, c'est possible que certains disent « Ah, c'était un juge, donc il est jugé par les autres, par autre qu'à la loi d'Allah, etc. » Attention, à son époque, et encore même s'entendre ou autre, les juges sont pris par rapport à leur connaissance dans le fiqh. C'est ce qu'on étudie le cours qui est juste avant. C'est-à-dire que pour être juge, il faut être un faqih, il faut être un savant dans le fiqh, d'accord? Il faut avoir de grandes connaissances dans le fiqh pour être un juge. On parle un juge, pas les juges qu'on trouve ici en France ou dans certains pays comme l'Algérie ou l'Égypte ou je ne sais où encore, d'accord? Mais comme on doit trouver normalement dans un état qui applique la charia. Le juge, il va juger par quoi? Par Qur'an et la Sunna. D'accord, et en fin de compte, il va juger suivant le fiqh. D'accord. Après, il y a des juges qui peuvent se spécialiser, par exemple sur les peines légales, d'accord, sur qui on doit tuer, qui on doit fouetter. On va étudier ça dans le fiqh, hein, les peines. Il peut être spécialisé dans ce qu'on va dire ici en France, l'état civil, donc c'est tout ce qui est mariage et divorce, donc il y a un juge il va voir si oui ou non le divorce était bon ou pas, ainsi que le mariage, s'il y a des problèmes ou un juge peut, je crois que je l'ai sur l'héritage, un juge peut se spécialiser dans le domaine de l'héritage, on va l'étudier aussi, c'est assez pointu, ou dans les problèmes de vente, par exemple, comme en France, par exemple, il y a le tribunal de commerce, et bien aussi dans un pays qui applique la charia. Si jamais il y a une grande ville, eh ben il va faire plusieurs tribunaux, il va mettre plusieurs juges qui vont juger suivant, notamment ce qu'on par rapport au fiqh, d'accord. Donc ça revient au Coran et la Sunna. Petite information pour ceux qui ne le savent pas, Napoléon, c'est lui qui a fait en France ce qu'on appelle le code. Il y a le code civil, le code pénal, et ceci. Sachez que Napoléon, c'est pas lui qui l'a inventé de sa tête, rien du tout. Il a copié ça sur les musulmans, et notamment sur Madhab al-Hanafi. En fin de compte, le code, en fin de compte, c'est le fiqh. C'est celui qui a bien ordonné, mais en fin de compte, il a fait un copiage. D'accord? Il a copié sur les musulmans pour faire le code de ceci, le code de cela, exactement, tribunal de commerce, etc., etc. Et pour que ça soit clair et bien ordonné. Seulement, les koufars, il y a une chose aussi qu'ils ont oublié dans le code, c'est le code de l'adoration. Nous, on a dans le fiqh, dans le fiqh, il y a quoi avant tout? L'adoration, d'accord? Qui est tahara, purification, la salat, la prière, la siyam, le jeûne, j'ai oublié avant, après la prière, la zakat, d'accord? Et le hajj. Et dans tout le livre de fiqh, il y a ceci, et les juges dans les tribunaux jugent aussi pour tous ces. Pour toutes ces adorations. Comme quoi, vraiment, les koufars sont vraiment très, très matériels. Ils ont vraiment un grand manque spirituel. Donc, j'ai fini sur les koufars, on va reprendre sur les conditions du takfir. On avait vu hier, la première qui était al-aql, la raison, donc le contraire, c'est al-junoun, la folie. La deuxième condition, al-boulour, la puberté, comme je vous dis, qui est la majorité. Donc, son contraire, donc qui va être le mani, l'interdiction, c'est la sirar, donc le fait d'être petit, donc en dessous de l'âge de al-bulugh. La troisième, al-ilm, la connaissance. Son contraire, c'est al-jahl, l'ignorance. Donc, le fameux problème qui fait couler pas mal d'encre, qui est al-'udhb bil-jahl, qu'on va venir petit à petit, on va en parler de plus en plus. Et je vous en ai parlé hier, j'ai donné deux exemples bien clairs pour dire quand est-ce que. Il y a certains koufs, il n'y a pas le rose bidjar, d'autres koufs, il y a le rose bidjar. Et certains koufs, on va élargir le rose bidjar. D'accord? Ça va venir. Et la quatrième, el qasd, la chose voulue, c'est-à-dire que la personne a voulu ça. Et son contraire, c'est el khata, l'erreur. D'ailleurs, c'était par exemple ceux qui étaient hier, c'était l'exemple par exemple de celui-là qui a voulu prendre le livre de Marcel Pagnol, La gloire de mon père. D'accord? Et le jeter à la poubelle, il s'est trompé, il n'a pas fait attention, il a pris le mousaf, il l'a jeté à la poubelle. C'est un acte de kouf, le fait de jeter un mousaf à la poubelle. Oui, mais c'est pas ça qu'il avait voulu. D'accord? Donc une personne qui l'a vu, lui demande, mais pourquoi tu as jeté le mousaf à la poubelle? Il va dire, non, j'ai jeté le livre de Marcel Pagnol. Et l'autre lui sort le livre, après, ah, l'autre s'en aperçoit, et en fin de compte, ce n'était pas ça qu'il a voulu. Il a fait un acte de kouf, mais il n'a pas été kafir parce qu'il n'a pas, c'était pas ça qu'il avait visé. Je reprends. Maintenant, voilà. Nous allons prendre une nouvelle condition qui est un, deux, trois, la cinquième, at-tadhakkur, le fait de se rappeler. Et le contraire, c'est an-nisyan, c'est l'oubli. D'accord? Donc, quelqu'un qui va faire. Qui va avoir un oubli par rapport à une chose, qui va dire par exemple une parole de couf, il a oublié que ça compte ça, c'était pas comme ça, eh bien, il est pardonné. Un exemple, apparemment, la maladie de. Alzheimer, qui touche les personnes qui sont assez âgées, ils ont des ça touche leur mémoire. Donc une personne, par exemple, qui va être touchée par cette maladie ou autre que cette maladie. Hein. Par contre, par exemple, va oublier, par exemple, que l'alcool est haram, mais en fin de compte, il va oublier. Ça peut se produire hein, et qui va dire, bah, l'alcool est halal. Cette personne-là, il ne fait pas du kouf parce que ça se trouve. Il a oublié, soit par rapport à une maladie ou autre. D'accord? Donc, ne faites pas du takfir sur lui. Je vous dis ça parce que ça se trouve. Vous êtes des personnes dans votre famille qui sont musulmanes et qui sont âgées, qui sont touchées par cette maladie-là ou une autre, et qui ont des pertes de mémoire. Des fois, ça peut être des pertes de mémoire importantes. D'accord? On ne fait pas de takfir sur ces gens-là. D'accord? Si c'est dû à une perte de mémoire. Alors, ensuite, la sixième condition, al-ikhtiyar. Al-Ikhtiyar, le choix. Alors, c'est quoi? Ça veut dire quoi le choix? Ben, on va le comprendre par son contraire qui est El-Ikra, qui est la contrainte. Donc, on comprend. Il faut que la personne ait le choix de faire ce kufr. Et non pas. Et donc, ce qui veut dire il faut donc El-Manir, l'empêchement, comme je vous l'ai dit, parce qu'il y a sept conditions du takfir, il y a sept empêchements. Et les sept empêchements, ce sont ni plus ni moins que le contraire des conditions. Donc, Al-Ikhtiyar, il faut qu'il ait le choix. Ça veut dire quoi? Qu'il ait le choix, ça veut dire qu'il ne soit pas contraint. Alors, la contrainte, c'est quoi? Et j'en profite d'ailleurs, comme on va voir à la fin de cette rissa du cheikh Mohammed Ibn Wahhab, rahimallah, il va me dire que Al-Khawf, la peur, n'a pas d'influence sur ses annualatifs de l'islam. Quelqu'un qui va faire ses annualatifs de l'islam par peur, eh bien, il est kafir. Il n'y a que l'ikrah qui marche comme excuse. Et certains, il dit ça comme ça. Donc après, il ne détaille pas, il n'explique pas c'est quoi la peur et la contrainte. Et certains n'arrivent pas à savoir, à faire la différence entre la peur et la contrainte. Sachez que la peur est plus vaste que la contrainte, et la contrainte est une partie de la peur. D'accord? C'est une peur qui est bien spécifique, c'est pas n'importe quelle peur. Exemple, quelqu'un qui travaille et son patron va lui dire, écoute, dis ceci ou fais cela, donc et ça va être du kufr, ou sinon, eh bien, tu es viré. Donc lui fait un peur, il lui fait une peur, tahwif. Mais ça, ce n'est pas un ikra, c'est pas le niveau de ikra de la contrainte. D'accord? Il lui fait peur. Même si jamais il va vraiment le virer, eh bien, il n'a pas à dire ou faire de kufr. D'accord? Par exemple, s'il lui dit insulte Mohammed, le prophète Mohammed, etc., il n'a pas à l'obéir. La contrainte, c'est soit par menace de mort ou par la torture. Une simple gifle, par exemple, ne suffit pas. Il faut que ça soit quelque chose qui se fasse très mal. Torture, par exemple, comme le mot l'indique, par la torture, donc vraiment une frappe qui fait vraiment mal. La personne à ce moment-là peut dire ou faire un acte, je ne vais pas rentrer dans la divergence sur certaines choses, mais peut dire ou faire un acte de mécréance, mais il faut que son cœur soit mutma'in, et soit son cœur, lui, ne fait pas le mécréance. Donc c'est seulement par sa parole, par exemple, il va insulter tel ou tel prophète, afin qu'il ne se fasse pas tuer ou que la torture s'arrête. D'accord? Bien sûr, il est évident que si c'est par exemple quelqu'un qui un petit enfant qui a un pistolet en plastique qui lui fait ça, qui lui dit ce n'est pas la contrainte. Il faut que la personne qui menace ait une véritable possibilité d'appliquer cette menace de mort, ou alors qui va le torturer. D'accord? Ça, c'est pour la contrainte. Et comment différencier entre la contrainte et la peur. Et ça, on va revenir aussi un peu en détail à la fin de la rissa du cheikh Mohammed Rahimullah, parce qu'il va en parler justement à la fin de la contrainte et de la peur. Mais là, je vous ai expliqué c'est quoi. D'accord? On lira notamment le hadith d'un sahabi qui se faisait torturer par les. Je dis maintenant qu'il se faisait torturer. C'était à l'époque où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore la Mecque, il se faisait torturer au point qu'il n'en pouvait plus, et donc il a obéi aux mouchtikoun, donc aux associateurs, aux koufars, afin qu'ils arrêtent de le frapper. Il leur a dit ce qu'il voulait, donc il a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après, il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment tu trouves ton cœur par rapport à la foi? Il a dit, mon cœur, il est apaisé sur la foi. Mon cœur, il t'a pas insulté. Ça veut dire ça, d'accord? Donc, il avait toujours la foi dans le cœur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, fa'in adu fa'ud. Donc, et si il recommence, alors toi aussi recommence. Ça veut dire qu'il lui a autorisé à dire du kufr sous la torture et sous la ça soit par exemple une menace de mort. Donc il n'y avait pas de péché, donc la personne est toujours musulman, et il n'y a pas de péché à faire ceci. Ensuite, les savants ont dit que celui qui se fait torturer ou qui se fait tuer, d'accord, et qui refuse donc de céder à la demande du kafir qui va lui dire dis ceci, sinon je te tue, ou alors regarde, je te torture, la personne qui refuse et qui reste sous la torture et jusqu'à se faire tuer, ça c'est le meilleur état, et il est shahid inshallah. D'accord? Le mieux, c'est d'arriver à ce stade-là. C'est de se faire tuer et ne pas prononcer ou de faire de kufr. Barakallahu fikoum. Ça c'est le meilleur état. Mais le meilleur état ne veut pas dire que l'autre état qu'on a vu avant est un péché ou est même makrouh. Ce n'est pas makrouh, c'est autorisé, c'est moubah. C'est-à-dire que la personne qui fait ça, il n'a ni de péché, ni de bonne action. Il a sauvé sa vie en disant du kouf, et Allah l'a autorisé. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a autorisé et ne l'a pas blâmé. D'accord? Mais, donc celui qui fait ça, il n'est pas à blâmer du tout. Mais celui qui veut avoir un meilleur niveau, d'accord, auprès d'Allah Azzawajal, eh bien, il patiente jusqu'à ce qu'il se fasse tuer et il est shahid, incha'Allah. Ça, c'est pour Al-ikhtiyar, donc la condition qui est al-ikhtiyar, le choix. Et son contraire, c'est al-ikrah. Maintenant, la septième et dernière condition qui est adamu ta'wil. Là, je m'arrête parce que certains s'arrêtent ici et c'est une erreur. Ils disent adamu ta'wil. Le fait qu'il n'y ait pas de. Comment dire, ta'wil, d'explication, c'est-à-dire erronée. Mais sachez que il faut dire adamu ta'wil sa'ir. Adamu ta'wil sa'ir. Sa'ir qui veut dire al-mubah. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la personne qui n'est pas de ta'wil, d'explication, sa'ir, qui est autorisée. Alors, on va comprendre, Inch'Allah. Donc, le contraire, eh bien, c'est quoi le manir? C'est at-ta'wil as-sa'ir. Le contraire de radamu ta'wil sa'ir. Le contraire en arabe, c'est donc at-ta'wil ou sa'ir. C'est l'explication. Une fausse explication, bien sûr. Sa'ir qui est autorisé. Donc, ça interdit de faire un takfir sur la personne. Cette condition, ça touche surtout dans les kufres qui touchent dans Al-Asma wa Sifat, dans les noms et dans les caractéristiques d'Allah Azzawajal. D'accord? Certaines sectes disent du kufre par rapport aux noms et aux attributs d'Allah Azzawajal, par contre, ils vont dire non, ça ce n'est pas un nom d'Allah, même si c'était dans le Coran, ils viennent avec ce qu'on appelle un ta'wil, avec une explication, c'est-à-dire qu'une mauvaise explication. D'accord? Ils vont changer le sens du mot. Donc, ça, c'est du kufre. D'accord? Mais certains, parmi les sectes, bah, pour certains mubtadir, on va pas faire un takfir sur la personne si jamais il vient avec une explication erronée pour ce qu'il dit, qu'il met bien qu'à la base sa parole est du kufr. Comme je crois que ça en parlait hier, notamment par rapport au fait de dire que le Coran il est makhlouk, il est créé. Alors que il n'est pas créé, le Coran n'est pas créé. Attention, c'est-à-dire kalamullah, pas les feuilles. Les feuilles d'or et l'encre, c'est quelque chose de créé. Hein. Mais c'est kalamullah. Et ça, comment dirais-je, il y a un détail, parce que certains viennent et disent. Je ne vais pas venir en détail, c'est faux, sinon il faudra qu'on étudie. Par rapport aussi au fait de différencier entre la prononciation et ce qui est prononcé. D'accord? Ce qui est créé et pas créé. D'accord? Il y a certaines choses qui est dites comme ça. Et dans cette bid'a qui est de dire Al-Qur'an Mahlouk, donc le Kalamullah, il est créé, il y a plusieurs degrés aussi dans cette parole, il y a plusieurs degrés d'égarement suivant ce que la personne va dire par rapport à cette parole-là. Et ça, Inch'Allah, on pourra en parler quand on fera un autre livre sur la Aqidah. Et sachez une chose, c'est que cette parole-là n'est pas venu à l'époque des Sahaba, alhamdoulillah, et c'est venu après. Donc les Sahaba ne se posaient pas ce genre de problème. Ce sont après des personnes qui prenaient leur temps à réfléchir et à chercher des explications par rapport notamment au nom d'Allah et ses attributs, et à faire en fin de compte ce qu'on appelle de la philosophie par rapport à certaines choses qui sont dans le Coran, notamment par rapport à ça, est-ce que la parole d'Allah est créée ou pas? Est-ce que le Coran il est créé ou pas? Ça leur pose des problèmes. Ils n'avaient pas autre chose de mieux à faire que d'étudier du fiqh, par exemple, d'apprendre le Coran par cœur. Non, il fallait qu'ils rentrent dans ce genre de problème. Et ça, il est demandé à ne pas les réveiller. Alors hier, je crois que c'était hier avant-hier, on m'a posé la question. Là, je vais prendre juste ça comme exemple. Et j'espère que on va se comprendre sur ça. Ce genre de bidar, qui sont. Le bidar, c'est le pluriel de bidar, hein, d'innovation, surtout dans la croyance. Si jamais à une époque ou à un lieu, cette bidar n'est pas présente, il n'est pas bon d'en parler. Parce que d'en parler, ça va aller amener certaines personnes à se poser des questions et voire à y croire. Donc on laisse les gens sur la fitra, comme étaient les Sahaba. Quand on devient musulman, par exemple, on ne se pose pas la question, est-ce que le Coran n'est pas créé, ou est-ce qu'il est créé, et ceci, etc. D'accord? Le Coran, c'est la parole d'Allah, point. C'est ce qu'avait la croyance des Sahaba, et on ne vient pas nous rentrer dans l'esprit ce genre de choses qu'on n'avait pas à avoir. Si jamais ce problème est présent dans un lieu ou dans une époque, à ce moment-là, comme c'était par exemple notamment à l'époque du cheikh, de l'imam Ahmed, rahimahullah, là, il est bon de bien expliquer aux gens. Par exemple, à notre époque, ce genre de problème, il est bien de le dire quand on étudie l'aqida en, comment dirais-je, en détail, quand on fait un talabalaymi, et là qu'on va voir en détail, mais sinon, d'une manière, par exemple, en parler comme ça dans une mosquée ou autre, ou même ici, à ce que je fais ici, ce n'est pas un problème à notre époque, ceci. D'accord? Quand on voit autour de nous, les gens ne rentrent pas dans ce problème, et la majorité des gens, hein, la quasi-totalité des gens, des musulmans, n'ont jamais entendu parler de ça, est-ce que le Coran il est créé ou pas créé. Pour eux, le Coran, mashallah, ils sont sur la fitra. Pour eux, c'est le kalam d'Allah, c'est la parole d'Allah, et ça va pas plus loin, walhamdulillah. Donc on laisse comme ça. On ne vient pas revivre, d'accord, une bid'a. Même si c'est sous le prétexte de dire aux gens, faites attention. Cette bid'a n'est pas là à notre époque, on n'en parle pas, on la laisse. Parce que si on la ravive, même si dans l'intention de l'éteindre, alors qu'elle n'est pas encore allumée à notre époque, et ben des gens, ils vont y prendre goût et ils vont entrer, d'accord? Des gens qui ont dans leur cœur une tendance, par exemple, à la philosophie, et ben ils vont tomber dedans. Alors que si on l'aura pas dit, ils ne seront pas tombés dedans, d'accord? Et ça, c'est valable pour toute chose, pour tout kufr, notamment dans ce qui est asma, dans les asma wa sifat, dans les noms et dans les caractéristiques, mais dans tout kufr aussi. Et on regarde notamment autour de nous, l'époque où on vit et au lieu où on vit, c'est quoi le kufr qui se répand le plus? Et c'est là qu'on va, comment dirais-je, s'attarder le plus et en parler le plus aux gens. D'accord? Je donne un exemple. Si par exemple dans la ville où je suis, à l'époque où je suis, dans la ville et l'époque où je suis, il n'y a pas de sire, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de sorcellerie. Est-ce que je vais faire des cours et des cours et des cours sur la sorcellerie alors qu'il n'y a pas ce problème-là? Non. Je vais peut-être en parler un petit peu comme ça, voilà, mais je ne vais pas m'attarder. D'accord? Contrairement à ce que si la magie, la sorcellerie est répandue, là, il va falloir que je fasse des cours et des cours, des conférences et autres, etc. D'accord? Là, il faut en faire. Et comme vous le savez, un kufr qui est très répandu à notre époque, c'est notamment le kufr de la démocratie et qui revient le fait de juger par autre que la loi d'Allah, Azawajal. Ainsi que tout ce qui vient avec, comme la laïcité et autres. Hein. D'ailleurs, on en reparlera. Donc là, par contre, ça, il faut en parler. Il faut prévenir les gens. Un exemple, à l'époque du cheikh Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah, le kouf, c'était pas le kouf du hukm Allah. C'était pas ça qui prédominait à son époque. Ce qu'il voyait à son époque, c'était que beaucoup de gens faisaient le kouf et le shirk sur les tombes. Et il y avait des villages ou quoi entiers qui faisaient tous ce shirk-là, ce kufr-là, d'accord? Et ça se répandait beaucoup. Et lui, sa darwa, quand on lit ses livres, elle est basée pratiquement sur ça, d'accord? Il parle un peu de, comme on voit dans les hadiths annulatifs, de un peu de tout, hein, comme de la magie, de le fait de juger par autre que la loi d'Allah, etc. Mais quand on voit tous ses œuvres, ses livres, le kufr auquel il avait affaire, c'était l'adoration des tombes, d'accord? Tout ce qui était lié à cette adoration-là par rapport aux invocations et autres qui est lié. Donc il a fait un grand travail sur ça, pour combattre et mettre un frein à ce kufr. Et chaque époque ou chaque lieu peut avoir un kufr qui se répand différent d'une autre époque ou d'un autre lieu. Donc là, il est bon de voir ce que là où on est, les gens ont besoin de quoi à ce qu'on les prévienne par rapport au kufr. Voilà. Je vais vous donner une petite annotation. La yurtabul jahlu wa nisyan wa ta'wil fi misal istihza. Comme je l'ai dit, il y a des conditions. On ne peut y échapper pour que ces conditions-là, afin de faire le takfir. Qui sont notamment les deux premières qui est l'aql ou l'bulour. L'aql, la raison, ou l'bulour, la puberté. Donc on ne peut pas faire de takfir une personne qui n'a pas son aql, qui est majnoun et qui n'est pas le bulour, ben, qui est trop jeune, qui a 5 ans. Même s'il dit ou du fait au fond du kufr, il n'y a pas de takfir à faire sur eux. Et de même pour l'ikra, pour la personne qui est contrainte, une véritable contrainte. D'accord? Et ainsi aussi que par exemple, pour ces conditions. Et comme je l'ai dit, à certaines conditions, là, ce n'est pas pour tous les coups. Comme par exemple pour l'ilm, c'est-à-dire son contraire, el-jahl. Je vais citer par exemple trois conditions. La yu'tabu al-jahl wa nisyan wa ta'wil fi mithl al-istihza. On ne prend pas en considération l'ignorance, l'oubli, wa ta'wil et l'explication, donc une mauvaise explication, comme pour al-istihza, le fait de se moquer. Le fait de se moquer d'Allah ou de son prophète, ou de la religion d'Allah. D'accord? On ne donne pas l'excuse de l'ignorance, ni l'excuse de l'oubli, ni l'excuse. Ni par exemple, il vient avec un ta'wil, c'est-à-dire qu'il vient une explication erronée, il fait oui, mais si je me suis moqué, c'est par rapport à ça et ça, etc. Donc il va venir avec une chouba, avec une ambiguïté. Là, non, ceci n'est pas accepté. D'accord? Comme on va le voir, notamment quand je l'ai dit hier par rapport au verset, où Allah Azza wa Jalla n'a pas donné l'excuse, alors que la personne était venue, comme on va voir le hadith, inshallah, au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui disait on est seulement à plonger dans l'excuse et à jouer. Donc il venait avec un ta'wil, d'accord? Il venait avec un ta'wil, avec une explication fausse, erronée, et bien ceci n'a pas été accepté. Il est 21h30, je regarde si je lis une, parce qu'après il y a une parole de Hussein ou Ubaydullah. Ibn Muhammad ibn al-Wahhab, rahimallah, une parole donc de deux fils du cheikh Muhammad ibn al-Wahhab, rahimallah, qui sont Hussein et Abdullah. Je me demande si je vais la lire maintenant. Qui est par rapport à un problème aussi, que pas mal de frères de sœurs notamment sont dedans en ce moment, enfin depuis quelques temps. Inch'Allah, non, je vais la lire plutôt demain. Ça va prendre un petit peu de temps, je vais dire plutôt demain, Charles. Donc là, je vais vous laisser l'écriture si vous avez des questions à poser. Oui, le cours est fini, mais là, si vous avez des questions par rapport aux conditions que j'ai posées, vous pouvez, sinon je vais clore le cours. Là, je cherche juste autre chose, le sous-temps. Excusez-moi, si je t'attends de voir autre chose. On me pose la question, est-ce que la contrainte peut changer d'une époque à une autre? À ce que je sache, wallah, c'est pas d'une époque à une autre. الخطأ. Donc la question est, est-ce que le khata, donc l'erreur, la personne s'est trompée, est un empêchement pour la désannulation de l'islam, puisque le cheikh n'a cité que la contrainte à la fin de son matin. L'erreur est un empêchement, d'accord? Comme c'est dans le hadith, est-ce qu'il y a plus grand kufr que de dire, que de s'adresser à Allah Azzajal et de lui dire, je suis ton maître et tu es mon esclave? Est-ce qu'il y a plus grand kufr que ça? Et donc, on voit que Al-Khata est aussi dans ce lit, si la personne s'est trompée. Par rapport à l'istihza, qui est un très bon exemple, parce que l'istihza, il n'y a pas le rosbidja. Une personne veut se moquer, par exemple, de, je ne sais pas moi, de François Hollande, ou de, je sais pas, d'un mécréant. Et au lieu de dire, de citer ce mécréant pour se moquer de lui, sa langue va à fourchu, d'accord, il pensait à autre chose, et il va citer le prophète Mohammed. Il va se moquer, il va dire oui, le prophète Mohammed, il va dire oui, le prophète Mohammed, et après, hop, il va dire une phrase qui va se moquer. Il a fait un khata, il s'est trompé. Son but qu'il voulait, c'était pas le prophète Mohammed, c'était un mécréant, d'accord? Et donc là, il s'est trompé. D'accord? Donc l'excuse de la khata est aussi valable pour comment dirais-je, ce qu'on a vu. Le hadith que notamment m'avait fait rappeler le frère hier, Jazakallah khairan, sur ça, justement, sur la preuve comme quoi le khata est un empêchement de takfir, est un très bon hadith, et c'est un hadith qu'on dit toujours quand on explique justement par rapport à c'est quoi l'erreur. Je me rappelle plus c'était lequel frère, le nom du pseudo, mais je le remercie encore. Je vais vous citer, bon, c'est un conseil Baraklofik, Abu Islam 95. Je vous citer une parole de l'imam Al-Shawkani, rahimahullah. L'imam Al-Shawkani, qui est un très grand savant, qui est décédé en 1250 de la Hijra. Donc là, on est en 1436, donc ça fait environ 200 ans, environ, qu'il est décédé. C'est un grand savant dans le fiqh notamment. Il a fait ce qu'on appelle le Dura al-Bahiyya, que j'aimerais bien aussi enseigner dans le fiqh, qui est à peu près la même grandeur que le livre qu'on fait. Un livre s'appelle Nil al-Awtar dans le fiqh, c'est-à-dire l'explication d'un livre qu'a écrit Ibn Taymiyyah, mais attention, il y a plusieurs Ibn Taymiyyah. Il y a le grand-père, il y a le père, et il y a le fils. Le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah, c'est le fils. Et il y a son père qui était un savant, et il y a son grand-père qui était aussi un savant. Son père a écrit un livre qui, comme pour Burur el-Maram, qui regroupe plein de hadiths du fiqh, et plus que Burur el-Maram. Donc, il est plus grand que Burur el-Maram, qui est un livre de hadiths qui est seulement sur le fiqh. D'accord? Et si je me rappelle bien, ce livre, il l'a appelé Al-Muntaqa, si je me rappelle bien. Al-Muntaqa, qui est de Ibn Taymiyyah, mais le grand-père, pas le fils. Donc, pas le Cheikh Islam, mais le grand-père de Cheikh Islam. Il s'appelle aussi Ibn Taymiyyah. Enfin, qu'on appelait aussi Ibn Taymiyyah. Et donc, Shawkani a fait l'explication, et il l'a appelé Nail al-Awtar. D'accord? Il a aussi écrit un tafsir, Fath al-Qadir. Donc, pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas trop, ou qui ne connaissent pas, c'est ce savant-là que je vais citer. L'imam Shawkani, rahimahullah, a dit, et l'imam Shawkani est reconnu, on peut dire, par tous les savants, hein, il n'y a pas de problème. Donc il va dire ceci, c'est dans son livre Asil al-Jarrar, au volume 3, à la page 580. Quant à sa parole, et parmi ceux-ci, donc là il parle parmi les apostasies, d'accord? Le fait de se prosterner pour autre qu'Allah. Donc là, l'imam Ash-Shawkani, rahimahullah, il prend cette parole d'une autre personne et il va expliquer ça implique quoi. Et écoutez bien, s'il vous plaît. Là, il va y faire le char de cette parole-là qui est Waminha Sujulira, et parmi elles, donc parmi les actes de mécréance, le fait de se prosterner pour autre qu'Allah. Et il dit ceci, l'imam Shawkani. Fala Buddha min taqidihi ben yakun sujudu, hada qasidan rubiyati man sajdalahu. Et on ne peut échapper à lier, d'accord? Parce que son sujoud, donc sa prédation, hada, celle-ci, coïncidant le rububiyati man sajalahu. Qu'il veut quoi? Al rububiyya. D'accord? Il veut, en fin de compte, quand il fait le sujoud pour autre qu'Allah, et que c'est un kufr akbar, quand il fait sujoud, c'est pourquoi il fait sujoud? C'est pour. Il vise quoi? Coïncidant, vous vous rappelez de la condition du qasd. Il veut quoi? Al qasd, donc son but visé dans son sujoud, c'est rububiyati man sajalahu. C'est de pour le rububiyya, donc la seigneurie de celui qui l'a. C'est concerné pour lui. Ensuite, l'imam Ash-Shawkani, rahimahullah, il dit, car certes, par ce sujoud, il a fait du shirk à Allah, donc il a associé à Allah Azzawajal. Et qu'il a affirmé avec lui, donc avec Allah, une autre divinité. Ensuite, l'imam Ash-Shawkani, il dit ceci. وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَقْصِدْ إِلَّا مُجَرَدَ التَّعْظِيمِ Mais, ou quant à ceci, jamais, il ne vise par ceci, par cette prosternation, autre qu'Allah, seulement Mujarrad Tarzim, seulement la pure, on va dire, Tarzim, agrandir, donc ennoblir une personne, c'est-à-dire pour la personne pour qui il va se prosterner, Kama yakaru kathiran liman dakhala mulk al-ajim, comme ceci se produit beaucoup, c'est à son époque, il y avait encore beaucoup, pour les rois al-ajim, les rois qui étaient chez les non-arabes, d'accord? Que certes lui, il embrasse la terre, pour magnifier, pour le magnifier, donc le roi, donc ceci n'est en rien du kufr. D'accord? Ceci est en rien du kufr, comme il le dit. Donc ceci n'est en rien du kufr. Donc, quand on voit une personne se prosterner pour une autre personne, on ne fait pas un takfir directement, sachez-le. Mais on va lui demander pourquoi tu t'es prosterné devant cette personne. Si jamais il dit, il rentre dans ceci, la seigneurie, d'accord? Ça veut dire que lui, il dit que cette personne-là, il a un roubiya, donc lui, il va faire en tant qu'adoration. Donc là, c'est du kufr. Mais s'il fait ceci seulement pour magnifier, pour honorer la personne pour qui il s'est prosterné, ce n'est pas du kufr. Sachez que notamment Allah Azzawajal a demandé à ses anges, et parmi les anges il y avait le djinni qui était Iblis à se prosterner pour Adam, et ils l'ont fait, et donc il n'a pas donné de faire du kufr. D'accord? C'était comme on dit, sujoud de tahiyya, c'était un sujoud de tahiyya de salutation. Comme c'était aussi pratiqué dans certaines législations d'Allah Azzawajal pour certains prophètes, comme vous pouvez lire notamment pour ce qui s'est passé avec Youssouf. Quand, eh bien, sa famille s'est prosternée devant lui. Ils sont prosternés devant lui comme signe de respect. D'accord? Ils sont pas devenus kuffar pour ceci. Comme c'est donc dans le Coran. Donc une personne, mais sachez que dans la législation d'Allah Azzawajal pour son prophète Mohammed, donc dans la législation dans laquelle nous on est pris maintenant, et que tout être humain est obligatoire celui de suivre, on n'a pas le droit de suivre une autre législation que la législation que Allah Azzawajal a donné au prophète Mohammed, il est chez nous, il est interdit de faire le sujoud. D'accord? Et comme a dit le prophète, justement, il y avait un sahabi qui était revenu du Sham. Un de ces sahabis est revenu du Sham, il s'est prosterné au prophète. Le prophète ne lui a pas fait de takfir, il a dit pourquoi tu as fait ça? Il a dit parce que j'ai vu que les gens là-bas au Sham, donc Sham, c'est tout ce qui est la région de la Palestine, la Jordanie, la Syrie, le Liban. Il faisait ça pour les personnes d'importance. D'accord? Donc, il n'a pas fait ça pour adoration. C'est comme, par exemple, dans la cour du roi, il fallait plus ou moins s'incliner avec le chapeau, faire des cercles, etc. Ou le fait d'ôter le chapeau quand on vient devant une personne en signe de respect pour la personne, etc. Le prophète, sur le salam, il n'a pas fait de takfir, il lui a interdit. Il a lui a dit que si jamais il l'autorisait ceci dans sa communauté, ce serait que la femme le fasse pour l'homme, mais il n'a pas fait ça, d'accord? Donc, quand une personne se prosterne pour une autre personne, on ne fait pas un takfir directement. Il faut faire attention pourquoi il s'est prosterné, comme vient de le dire l'imam Ash-Shawkani, et moi je vous ai dit notamment certains dalils pour ceci. Je vous lis le hadith de Youssouf. Falamma dakhalu ala Youssouf, lorsqu'ils sont rentrés à Youssouf, donc ils sont venus à Youssouf, c'est-à-dire qui? Eh bien, ses deux parents. Ah wa ilahi abaway. وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا. Donc il les a fait venir, ses deux parents, D'accord? Il a dit à ses parents et aussi ses frères, venez à Misr, donc en Égypte. D'accord? Inch'Allah, Amin, si Dieu le veut, Aminin, en sécurité. Et il a élevé ses deux parents sur le trône. Et ils se sont tombés par terre, en étant prosternés. Sujjad, qui est le prière de Sajid. Comme Rukkar, le prière de Rakir. Ils étaient Sajidun, Sujjad. C'est dans la sourate Yusuf, au verset 99 et 100. Et pour ceux qui, encore parmi vous, auront un petit doute de ce que je viens de dire, mais ce n'est pas ce que je viens de dire moi, mais ce qu'a dit l'imam al-Shawkani, rahimahullah, je pense que vous, là, par contre, devez connaître au moins Ibn Kathir, rahimahullah, le célèbre exégète du Coran, hein, le célèbre tafsir d'Ibn Kathir. Ibn Kathir, et je vous invite notamment de vérifier ce que je dis, si oui, Ibn Kathir a dit ça dans l'explication de ce verset, les deux versets 99 et 100 de la sourate Yusuf, il dit ça. Wa qad kana hadha sa'iran fi shara'ihim idha sallamu 'ala al-kabir yasjudun lahu. Je vous traduis. Et ceci était sa'iran et mubahan, était autorisé fi shara'ihim, dans leur législation. D'accord, c'était autorisé, il y avait même, ce n'était même pas haram, c'était autorisé, d'accord. Idha sallamu 'ala al-kabir yasjudun lahu. Si il faisait la salutation, le taslim, assalamu et assalamu alaikum, sur le kabir, sur la personne grande, soit par l'âge ou autre, yasjudun lahu, il se prosternait pour lui, lahu, yasjudun lahu, il se prosternait pour lui. Ça, c'est la parole de Ibn Kathir, d'accord. Donc, on ne peut pas dire que le kufr était autorisé dans la législation d'Allah Azzawajal pour son prophète Youssouf et d'autres, d'accord. Mais maintenant, dans la situation de Mohammed, ceci est interdit, et comme on dit, c'est pour faire un sad zarira, c'est pour bloquer une voie qui va mener au kufr. Parce que des gens peuvent, au début, pour une personne qu'ils honorent, se prosterner, et dans leur niya, il n'y a pas de problème, c'est pas de la nation, mais petit à petit, et en génération, ceci peut devenir du kufr, dont la dernière révélation, qui est celle qui clôt et qui va jusqu'au jour de la résurrection, la législation que Allah a légiféré et a donnée à Mohammed, c'est interdit de faire le sujoud. Mais ça ne veut pas dire que celui qui fait ceci, c'est un kafir. Il fait un péché, et suivant pourquoi il fait le sujoud, comme je viens de dire, c'est un kafir ou pas. Alhamdulillah. Voilà, ça c'était. Et notamment, c'est aussi pour vous faire voir, faire attention. Surtout qu'on est plus ou moins nouveau dans la région et dans l'ilm, ne pas faire de takfir vite fait, bien fait, et ça sera mal fait, ça sera du vite fait, mal fait, en pensant que ceci, il a fait un soujoud, etc. Mais le soujoud, oui, mais c'est le soujoud, il est là, bil kost annahu yurid rububiyya. C'est ça, qui la personne devient kafir par ce soujoud-là. Donc attention. Barakallahu fikum. Qui a démêlé la contrainte à la menace de mort imminente et la torture physique. Seules ces deux choses sont considérées comme contraintes qui excusent le shirk akbar. Alors ce qui a délimité ceci, c'est les paroles des savants que vous trouvez notamment dans les livres de fiqh, dans les livres aussi de Raqida. Vous trouvez que, alors, pour la peine de mort, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a plus contrainte que la menace de mort? Non, il n'y a pas. Et par rapport à la torture, c'est notamment ce qui se passait, comment dirais-je, pour le sahabi, là que je vous ai cité, où le prophète Hassan lui dit de faire ceci. Maintenant, en dessous, pour dire une parole de couf, il n'y a pas. Comme je l'ai dit, quelqu'un qui fait peur, le patron qui fait peur à son employé qui dit tiens, dis ceci, insulte ton prophète, sinon on t'est viré, l'autre il n'a pas à insulter le prophète. Ça, ce n'est pas un ikra, c'est un tahwif seulement. D'accord? C'est un exemple que je donne. Hein. Donc une question de Anfal, si une personne se prosterne devant une personne par peur et non pour l'honorer. Exemple, se prosterner devant un roi. C'est la même chose, on ne fait pas de takfir, bien sûr. Bien sûr, on ne fait pas de takfir. Même si c'est pas par ikra, hein, même si c'est pas par. Même si par, il a peur que le roi, par exemple, ne va pas l'écouter. Ou même si c'est pas pour peur, il a seulement envie. D'accord? Ben, si ça, il fait un péché, mais ce n'est pas du kufr. Comme je viens de vous l'expliquer. Et comme l'a dit très bien l'imam Shawkani, et comme Ibn Kathir l'a dit, ça faisait partie notamment de la législation de certains prophètes d'avant. Mais à nous, maintenant, ce n'est plus autorisé ceci. Abu Mourad, ya Abu Mourad, j'ai sauté ta question. Ah, excuse-moi, je suis désolé. Ah oui, c'est pas... Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ya Aba Mourad, je suis tout à fait désolé. Wa alaykoum salam wa barakatuh. Y a-t-il une peine en dalle kouf? Si oui, quelle est la peine de celui qui se moque d'Allah ou de la religion? Alors, dans le kouf, y a-t-il une peine? Ah, dire qu'une peine légale. Que, bon. Alors, déjà, quelle est la peine de celui qui se moque d'Allah ou de la religion? Alors, ça, c'est un point spécifique et c'est une annulation, une annulative de l'islam que le cheikh Mohamed Mohamed va citer, donc on va voir et donc on pourra en parler. Alors, la question, je vais essayer de répondre. De bien répondre, Inch'Allah, je demande à Allah Azzawajal de m'assister dans ma réponse. Quand on se moque d'Allah Azzawajal ou de la religion, c'est un kufr et c'est donc, si la personne est musulmane, c'est une ridda. C'est une apostasie. Donc la personne vient apostat. D'accord? Et la peine de l'apostat, que ce soit pour ça ou pour toute apostasie, c'est quoi? C'est la peine de mort. D'accord? C'est la peine de mort. Et donc le murtad devient halal. Son sang et son argent devient halal. C'est-à-dire que. Le musulman qui va le tuer ou qui prend son argent, eh bien, il ne fait pas de haram. Avec une petite divergence pour l'argent, tant qu'il n'est pas mort, mais la vie le plus juste, c'est que même si on est encore vivant, son argent est halal. Quant à le fait que ce soit dal ou dal islam, dans dal islam, il faut. Il est quelle heure? Voilà, j'ai déjà dépassé parce qu'il y a un point sur ça par rapport à le Koufou d'Alessam que j'aurais voulu développer, mais là ça fait un peu de temps parce que ça prend un petit peu de temps qui est important. Est-ce que oui ou non, quelqu'un qui est dans un Dar Islam, donc dans un pays où la charia est appliquée, il peut se permettre de tuer comme ça un murtad, un apostat? Ou est-ce qu'il faut qu'il revienne au gouverneur? Je vais pas faire le développement maintenant, ça va prendre un peu trop de temps par rapport au cours parce qu'on a trop dépassé, mais c'est un point qui est très important. Et je vais vous demander si je l'ai moi j'ai oublié de me faire rappeler dans les cours prochains, Inch'Allah. Matin dit il y a le cher Tchalabi. Ouais? Ah bon? Oui, alors, donc, Abdullahi At-Talushia dit, mais le fait de se prosterner devant un autre qu'Allah, c'est du shirk normalement. Non? On dit pas non, on dit non. Oui, c'est du shirk, mais comme l'a bien dit, subhanallah, mais comme l'a bien dit l'imam Ash-Shawqani, il faut voir pourquoi la personne se prosterne pour l'autre personne. D'accord? Question. Il y a bien dans la législation, par exemple, qui était de Youssouf, il était autorisé, c'est-à-dire que c'était même pas haram ni rien, autorisé qu'une personne se prosterne pour une autre personne, à titre honorifique. On est d'accord. Et donc, on va appeler ça se prosterner pour autre qu'Allah? Dans la vision, oui, mais sinon concrètement, non, parce que ce n'est pas une prosternation d'adoration. C'est ce qu'on appelle en arabe soujou de tahiyya, une prosternation de salutation. D'accord? Une prosternation de salutation. D'accord? Dans certaines législations de certains prophètes, ceci était autorisé sans aucun blâme. Ils pouvaient le faire sans aucun blâme. D'accord? Et donc, si c'était du shirk, Allah ne l'aura pas autorisé. Ça implique quoi donc que ceci n'est pas du shirk en lui-même s'il n'y a pas le qasd, l'irroubiyya, s'il n'y a pas la chose voulue en fait, de roubiyya, dans le fait de que ça soit cet acte soit une adoration. Voilà. Mais de nos jours, la plupart, et c'est justement c'est là que le mot blesse, de nos jours, la plupart des personnes qui se prosternent devant un roi, c'est pour le vénérer. S'il y en a qui le font encore, c'est pour lui, là, oui, c'est pour le vénérer, c'est-à-dire que pour l'honorer, ce n'est pas du kufr. D'accord? La règle est là. Si c'est pour le vénérer, comme vous le dites, dans le sens vénérer, faire un acte d'adoration, c'est du kufr. Mais ça ne veut pas dire que même s'il y a beaucoup, même la majorité le font, ça veut dire que tous le font pour adorer ce roi ou autre que ce roi. Quelqu'un, par exemple, je ne sais pas, ça se trouve dans certains peuples, ils font ça seulement pour le parent, comment dirais-je, pour honorer, mais il n'y a aucune adoration dans cet acte-là, comme ceci se faisait dans pour ça, pour à l'époque de certains prophètes, dans la législation de certains prophètes. Donc on voit, on demande pourquoi. Je vais, comment dirais-je, aussi, bon là j'ai pas le temps, j'ai envie de vous dire quelque chose par rapport au tawaf, autour d'une tombe ou autre chose que la Kaaba. Est-ce que c'est obligatoirement du couvre ou non? Je vous laisse réfléchir. Je vous donnerai la réponse inch'Allah prochainement. Je pense que vous avez compris la réponse par rapport à ce qu'on vient de vous dire, par rapport au soujoud. Inch'Allah, on s'arrête ici. Barakallahu fikoum, je vous remercie. Ashkurukum, jazakumullah khayran, qu'Allah vous rétribue en bien. Et je vous dis à demain, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa ant. أستغفر الله وأتوب إليه